les avez aimés? Philippe Gildas, Charles Bietri, Valérie Payet, Antoine Decaune, Philippe Dana, Michel Denisot, Georges Eddy, Yvan Le Bolloc, Thierry Gilardi, Bruno Solo, Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre Dionnet, Jean-Luc Delarue, Patrice Arditi, Annie Lemoine, Alain Chabat, Dominique Farougia, PPD, Marc Toesca, JPP, Box Bunny, Jean-Luc Guy, Albert Mouille, Lecoq, Philippe Zambel, Car Zéro, François François, Chantal Lobby, Béatrice Le Peignet, Jacques Garoni, Éric Bénard, Samuel Pierre, Gilles Galland, Alexandre Cacombe, Valérie Jour de Lundi, Déchirin, Éric Gilbert. Alors, ne manquez pas le 4 novembre 2004, les 20 ans de Canal+. Rendez-vous dans 10 ans. Et salut maintenant. Merde, putain, j'ai tout pété. Oh, je me fais engueuler.